Today, I would like to continue to explain about Sampajanya or Sampajana clear comprehension with mindfulness, with our practice. Aujourd'hui, je vais poursuivre mon enseignement à propos des Sampajana ou Sampajanya, la claire compréhension qui vient de l'attention. Les choses telles qu'elles sont réellement, il faut, comme je vous l'ai expliqué hier, que l'esprit soit stabilisé. Il ne doit plus s'envoler. Il faut que le méditant réussisse à maintenir son esprit sur tous les objets qui se présentent à chaque instant dans son corps et dans son esprit. L'esprit, en d'autres termes, ne doit pas être ignorant. Il doit réaliser à chaque instant la véritable nature du Dhamma. Il faut également que la confiance se soit installée dans le méditant. Le méditant doit avoir confiance dans le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. Si toutes ces conditions sont remplies, le méditant pourra voir les choses telles qu'elles sont réellement. Dans les commentaires, on reconnaît quatre sortes de Sampajanya. La première, c'est Sataka Sampajanya. La deuxième, Sapaya Sampajanya. La troisième, Gochara Sampajanya. Et la quatrième, Asammoha Sampajanya. La première, Sataka Sampajanya, c'est la claire compréhension de ce qui est bénéfique. La deuxième, Sapaya Sampajanya, c'est la claire compréhension de ce qui est approprié. La troisième, Gochara Sampajanya, c'est la claire compréhension du domaine du yogi. Et la quatrième, c'est Asammoha Sampajanya, la claire compréhension de la non-illusion. Avant d'entrer, la première des Sampajanya, des claires compréhensions, c'est donc Sataka Sampajanya, la claire compréhension de ce qui est bénéfique. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut se demander si ce dans quoi on va s'engager est bénéfique ou non. Vous qui êtes ici, dans quel but êtes-vous venu ici pour pratiquer la méditation? Quel type de méditation avez-vous l'intention de pratiquer? C'est la méditation vipassana. Vous n'allez pas pratiquer samatha, même s'il est parfois possible de pratiquer samatha. Pourquoi avez-vous choisi de pratiquer vipassana? Pour vous libérer de la souffrance et atteindre l'illumination. Vous avez tous entendu l'enseignement du début de la retraite qui portait sur les bénéfices qu'amène la pratique de vipassana. Tel est donc le but dans lequel vous êtes venu ici pour pratiquer vipassana. Le Bouddha nous dit que lorsqu'on pratique la méditation vipassana, conformément au satipatthana, aux quatre établissements pour l'attention, il est possible d'obtenir les bénéfices suivants. La purification des êtres, la victoire sur le chagrin et les lamentations, la disparition de la souffrance physique et de la souffrance mentale, l'atteinte du noble chemin et du noble fruit, la réalisation de Nibbana. Si donc on comprend que par la pratique de Vipassana, il est possible d'obtenir ces sept bénéfices, on va vouloir s'engager dans la pratique. Donc, c'était la première claire compréhension, Sataka Sampajanya. Comprendre que l'on est venu ici dans le but de pratiquer Vipassana et que Vipassana est quelque chose de très bénéfique, c'est donc intégrer cette première claire compréhension. La deuxième claire compréhension, c'est Sapaya Sampajanya, la claire compréhension de ce qui est approprié, de ce qui convient. On a donc compris que c'était bénéfique de pratiquer Vipassana, mais il faut également se demander si c'est approprié. Il faut donc que nous nous demandions si ce que nous faisons convient. Si nous estimons que cela convient, il faut que nous nous engagions dans la pratique de Vipassana uniquement. Nous ne devons rien faire d'autre que pratiquer Vipassana. Autrement dit, observer sans arrêt le corps, les sensations, l'esprit et les objets mentaux. Il est possible que parfois certains méditants aient eu d'autres expériences, mais s'ils participent à cette retraite, ils doivent oublier toutes leurs anciennes connaissances. Ils doivent essayer de ne pas suivre d'autres méthodes. Ils ne doivent suivre que la méthode qui est proposée ici et qui est celle du vénérable Mahasi Sayadaw, qui s'enracine dans l'enseignement du Bouddha. Parfois, le méditant est inquiet pour sa santé lorsqu'il pratique Vipassana. Mais si nous pratiquons correctement la méditation Vipassana, nous ne devrions pas être inquiets pour notre santé. Car même si la santé physique n'est pas le but de la méditation, cette méditation va nous aider à nous maintenir en bonne santé, pourvu que nous pratiquions correctement. La santé est donc un bénéfice secondaire qu'amène la méditation Vipassana. C'est un bénéfice mondain. Mais il est possible également d'obtenir un bénéfice supramondain. Les bénéfices supramondains qu'amène la méditation Vipassana, c'est l'atteinte du noble chemin, du noble fruit et la réalisation de Nibbana. Ce sont les bénéfices les plus élevés. Mais donc, il ne faut pas s'inquiéter pour sa santé, car c'est un sous-produit de la pratique lorsqu'elle est menée correctement. Les yogis, comme vous le savez, se lèvent à 4h du matin et vont se coucher à 9h30. Pendant toute la journée, ils s'efforcent de développer leur attention. Au début, il y a beaucoup de ratés, mais ils s'entraînent. Petit à petit, ils vont s'améliorer. Plus ils sont attentifs, plus leur esprit se libère des impuretés. Leur esprit va petit à petit devenir pur, frais et calme, car il n'y aura plus d'impuretés qui vont l'agiter. Un esprit qui est pur et calme est un esprit en bonne santé. Après la méditation assise, le yogi passe à la marche attentive. Là aussi, il ralentit ses mouvements et son esprit est très clair. Tout ceci veut dire qu'il est en bonne santé. Même si la santé n'est pas le but de la méditation, c'est cependant un sous-produit de la méditation. Le véritable but de la méditation, c'est de comprendre l'enseignement du Bouddha. Pendant les activités quotidiennes également, le yogi va s'efforcer d'être attentif sans interruption. De cette façon, il sera en équilibre pendant toute la journée. Son but, c'est de réaliser le Dhamma du Bouddha. Mais s'il réussit à pratiquer ainsi de façon équilibrée pendant toute la journée, le résultat, c'est qu'il sera en bonne santé. Il ne faut donc pas s'inquiéter pour sa santé lorsqu'on pratique Vipassana. Vipassana peut amener des bénéfices mondains et des bénéfices supramondains. La troisième claire compréhension, c'est Gocchara Sampajanya, la claire compréhension du domaine du yogi. Le yogi doit rester dans son domaine. Quel est le domaine du yogi? Ce sont les quatre établissements pour l'attention, les quatre satipatthana. L'attention au corps, l'attention aux sensations, l'attention à l'esprit et l'attention au dhamma. Le yogi doit être attentif à tout ce qui se manifeste à chaque instant dans son corps et dans son esprit. Il ne doit pas choisir délibérément l'une des quatre bases, il doit prendre celle qui se présente naturellement. Puisque, je vous l'ai déjà expliqué, le principe de base de Vipassana, c'est d'observer et de noter attentivement tout ce qui pénètre en soi par l'une ou l'autre des six portes sensorielles. Mais au début, ce n'est pas possible d'observer tous ces phénomènes de façon précise. C'est pourquoi il est demandé de se choisir un objet primaire d'attention. L'objet primaire d'attention, ce sont les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. En posture assise, le yogi va fermer les yeux et porter son attention vers l'abdomen. Il doit observer avec précision le mouvement de soulèvement et ensuite le mouvement d'abaissement de l'abdomen. Il pratique alors Kayanupassana, l'attention au corps. Parfois, il sera amené à devoir changer de posture. Il observe attentivement le mouvement, c'est également Kayanupassana, la contemplation du corps. S'il doit se gratter et qu'il bouge la main, il note se gratter, de nouveau, c'est Kayanupassana. Kayanupassana, l'attention au corps, c'est donc observer attentivement toutes les activités corporelles et également les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Le yogi observe donc les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen avec précision. Il ne recherche pas les sensations, il ne recherche pas les émotions comme la joie, la tristesse, il note attentivement l'objet primaire. Mais malgré tout, il est possible que des pensées apparaissent dans l'esprit. Le méditant doit alors noter « pensée, pensée ». Il n'a pas recherché cette pensée, elle est devenue d'elle-même prédominante. S'il a donc des pensées, il est possible qu'en imagination, en pensée, il entende des choses, il voit des choses, que des émotions pénètrent en lui. Si c'est le cas et qu'il se sent par exemple triste, le méditant doit noter triste, triste. S'il se sent de la dévotion, il doit noter dévotion, dévotion. S'il est heureux, il doit noter heureux, heureux. Il pratique alors Cittanupassana, la contemplation de l'esprit. Mais il n'a pas recherché ces choses, elles se sont manifestées spontanément. Elles se sont imposées à lui. Il est possible également qu'au moment où il observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il maintient son corps bien droit et à cause de cette posture qu'il maintient bien droite, il ressent un certain inconfort dans le corps. Il est possible que le méditant remarque certaines sensations comme des raideurs, des tensions, des pressions. Si c'est le cas, il doit noter raideur, tension, pression. Mais il n'a pas recherché ces sensations. Elles se sont imposées à lui spontanément. Il pratique alors Vedananupassana, la contemplation des sensations. Au moment où il observe le mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il est également possible que le yogi subitement voit une image. Il note alors « voir, voir ». S'il entend un bruit, il doit noter « entendre, entendre ». S'il sent une odeur, il doit noter « sentir, sentir ». S'il goûte, s'il touche, il note « goûter, toucher ». Tout cela, c'est la pratique de Dhammanupassana, la contemplation des Dhammas. Mais de nouveau, il n'a pas recherché ces choses, elles se sont manifestées spontanément. C'est de cette façon que le yogi pratique les quatre établissements pour l'attention. Nous pourrions comparer cela à un plat que nous mangeons. Nous allons donc manger de ce plat, et ce plat est fait d'oignons, de tomates, d'épices et de toutes sortes d'autres choses. Mais nous n'allons pas décider de ne goûter par exemple que la tomate ou les épices. Lorsque nous mangeons de ce plat, la langue, qui est très sensible, va automatiquement reconnaître tous les goûts. Elle reconnaît que là, il y a le goût de la tomate, là, il y a le goût des épices, là, ce sont les oignons. Un yogi qui est très attentif va observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il pratique Kayanupassana. Lorsqu'il observe les sensations, qu'elle soit positive, négative ou neutre, c'est Vedananupassana, la contemplation des sensations. Lorsqu'il observe les émotions, comme la tristesse, la joie, l'inquiétude, il pratique l'attention à l'esprit. Et lorsqu'il reconnaît le fait de voir, d'entendre, et qu'il observe ses contacts sensoriels, il pratique la contemplation des Dhammas. En posture assise, le méditant va donc expérimenter toutes sortes de goûts. L'esprit expérimente les quatre satipatthanas, le goût des quatre satipatthanas. Faire cela, c'est pratiquer Gocchara Sampajanya, la claire compréhension du domaine du yogi. Le yogi doit donc rester dans son domaine. S'il réussit à rester dans son domaine, les impuretés ne vont plus le harasser. Si le yogi réussit à rester dans son domaine, automatiquement, la quatrième claire compréhension va se manifester, Asammoha Sampajanya, la claire compréhension de la non-illusion. L'esprit du méditant sera alors devenu très alerte, très actif, stable. Il ne sera pas ignorant. La confiance va également apparaître. Si c'est le cas, que l'esprit est devenu très stable et que la confiance s'est installée, le méditant voit les choses telles qu'elles sont réellement. Ceci veut dire qu'il réalise, il comprend les phénomènes physiques, il comprend les phénomènes mentaux très clairement. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de confusion. S'il note donc avec attention, le méditant voit les choses telles qu'elles sont réellement. Des quatre sampajanya, les deux premières peuvent être appliquées dans la vie de tous les jours. Sataka sampajanya, la claire compréhension de ce qui est bénéfique, et sapaya sampajanya, la claire compréhension de ce qui est approprié. Dans la vie de tous les jours, quelle que soit l'activité qu'on s'apprête à mener, il faut toujours se demander d'abord si c'est bénéfique et si le moment est approprié. Les deux dernières, Gochara Sampajanya et Asamoha Sampajanya, concernent plus spécialement le méditant. Il est très important pour le méditant de développer Gochara Sampajanya, la claire compréhension du domaine du yogi. Le méditant doit essayer d'être constamment en train d'appliquer cette troisième claire compréhension. Au moment où il pratique, il ne doit pas l'oublier. Il doit toujours s'efforcer de rester dans le domaine du yogi, c'est-à-dire de pratiquer les quatre établissements pour l'attention. L'attention au corps, l'attention aux sensations, l'attention à l'esprit et l'attention au dhamma. Il doit être attentif à ces quatre bases sans interruption. S'il réussit à le faire, automatiquement et spontanément, la quatrième claire compréhension, Asamoha Sampajanya, va se manifester. Asamoha Sampajanya, c'est la claire compréhension de la non-illusion. Dans les commentaires, on donne un exemple, l'exemple de quatre moines qui vont quêter leur nourriture au village. Les moines doivent en effet, chaque jour, se rendre au village pour quêter leur nourriture. Le premier type de moine va donc au village et il marche avec attention, comme les yogis ici, qui pratiquent la marche attentive en notant pas gauche, pas droit. Le moine va donc au village en observant de façon générale le pas gauche et le pas droit. Lorsqu'il revient du village, il oublie d'être attentif. Il se met à parler avec l'un et l'autre, et il a perdu donc son attention. Le deuxième type de moine se rend au village pour mendier sa nourriture, et il n'est pas attentif, mais au moment où il revient du village, il le fait avec attention. Le troisième type de moine va au village et en revient sans être attentif. Et le quatrième type de moine va au village et en revient en étant attentif. Nous devons prendre exemple sur le quatrième moine, celui qui va au village et en revient en étant attentif. Nous ne devons donc jamais oublier d'être attentif. Le yogi doit s'efforcer d'être toujours conscient, mais ce n'est pas facile d'y arriver. Il faut s'entraîner. Si on s'entraîne, l'attention va progressivement se développer. L'esprit va se stabiliser, ne vacillera plus. La confiance va apparaître et tôt ou tard, le méditant aura installé en lui Asamoha Sampajanya, la claire compréhension de la non-illusion, ce qui veut dire qu'il verra clairement la nature du corps et de l'esprit. That's enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are, then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.